Pour une deuxième fois, oui, c'est ça, une dernière fois en 2011, Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval, est avec nous. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Alors, on va parler, évidemment, de la technologie de l'information, mais tu nous proposes des statistiques. On aime ça, les chiffres. Oui, en fait, je me suis dit, on va finir l'année en chiffres. Au fil de l'année, sur le coin de mon bureau, il y a une petite montagne d'études qui s'est cumulée. Alors, j'ai fait un petit tri aujourd'hui, essayer de centrer sur les études, les réflexions en lien avec les technologies de l'information, mais en ce qui a trait au Québec et évidemment des études et des réflexions dont on n'a pas encore traité ici à Change de 10 dans le cadre de cette chronique. Et l'idée m'est venue parce que tout récemment, en fait la semaine dernière, il y a une étude qui a fait quand même passablement parler, passablement réfléchir, c'est l'équipe du CEFRIO, du Centre francophone d'informatisation des organisations, qui eux ont essayé de voir quelle était la place occupée par le téléphone intelligent au Québec. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une forte, forte croissance en cette matière dans la province. Une progression d'à peu près 50% en 2011 au Québec. Un taux d'utilisation qui dépasse désormais les 25% chez les adultes québécois. Donc, quand même, en fait, de plus en plus, ce qu'on dit, c'est que les téléphones intelligents sont un outil de choix pour accéder à Internet et qu'il y a à peu près 700 000 personnes, 700 000 adultes québécois qui s'y connectent quotidiennement. Alors, le téléphone intelligent qui prend de plus en plus de place et qui prend de plus en plus de place d'abord et avant tout chez les 18 à 24 ans, dans une proportion d'à peu près 46,6%, sont suivis par la suite par les 35-44 ans et les 25-34 ans, mais au-delà de ça, c'est pas aussi généralisé, voire pas du tout généralisé. Un facteur qui est intéressant aussi, c'est le revenu. En fait, ce qu'on remarque, c'est quand on va chercher un revenu familial qui dépasse les 100 000 $ par année, eh bien là, subitement, les gens qui rentrent dans cette tranche salariale-là l'ont beaucoup plus intégré que les autres. On parle de plus de 52,4% des gens qui ont cette marge salariale-là, qui ont intégré le téléphone intelligent là. Mais c'est sûr que c'est rendu presque, je ne veux pas dire une nécessité, mais un outil vraiment très important, très, très utile aussi, mais ça coûte cher. Le téléphone, il n'est pas gratuit avec le forfait. Le forfait coûte plus cher parce que ça prend les données Internet aussi. Donc, c'est considéré quand même comme un produit de luxe. Et ce serait intéressant de voir justement de quelle manière ça va évoluer alors que le téléphone intelligent va prendre de plus en plus de place. Comment on va s'assurer ou comment on va... s'assurer que ça devienne de plus en plus peut-être accessible pour pas qu'il y ait non plus de fractures technologiques qui se fassent entre les gens qui ont des revenus plus confortables et les autres qui en ont peut-être des beaucoup moins confortables. Donc ça, ce sera à surveiller à mon sens. Et sinon, ben en fait, le Québec est assez partagé là, entre les BlackBerry, les iPhone et les Android. C'est surtout BlackBerry et iPhone ou un peu plus de 30% pour chaque, mais l'Android est quand même à 22%. Alors, ça reste quand même donc très varié à ce niveau-là. Ils sont plus récents, par exemple. Oui. Donc, ça peut jouer aussi sur les statistiques. Raymond, on parlait de revenus. Un bon moyen d'aller voir son revenu, c'est d'utiliser les services bancaires en ligne. Oui, et une autre étude qui est tombée sur mon bureau en cours d'année, en cours d'automne, en fait, c'est une étude qui soutient que 68% des Québécois, Québécoises préfèrent les services bancaires en ligne. C'est une étude réalisée par Environix pour le compte de la TD Canada Trust. Et donc, ça montre à quel point il y a un intérêt pour ce type d'utilisation-là, que ce soit via Internet, que ce soit via mobile. On préfère, chez beaucoup, donc, utiliser ce service-là plutôt que d'avoir à se rendre au guichet ou plutôt aussi que de faire ces transactions par téléphone. Là. Et la proportion est quand même immense. Je disais 68% pour les services bancaires en ligne, 14% pour les débits préautorisés, 8% à guichet automatique et 4% avec les services bancaires téléphoniques. Alors ça veut dire aussi qu'on risque de voir de plus en plus de types d'applications ou d'adaptations, que ce soit en mobilité, que ce soit sur le web, pour ce type de service. Là. Et on se rend compte que lorsqu'il est bien utilisé, et effectivement, il offre beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de latitude, peut-être aussi, pour les utilisateurs et utilisatrices. Et la grève des postes qu'on a eue cette année a certainement fait augmenter la statistique du nombre de gens, du nombre d'utilisateurs de services bancaires en ligne. Peut-être. D'après moi, oui. Mais l'utilisation d'Internet, en général, quelle est sa situation en 2011? Et au Canada, on l'utilise beaucoup. En fait, même de manière générale, un sondage de Comscore qui démontrait qu'au Canada, de manière générale, on passe le double de la moyenne mondiale sur le web. Donc, en moyenne, 43,5 heures en ligne. c'est le double de la moyenne mondiale. Donc, les Canadiens sont souvent sur Internet. En ligne, tu veux dire sur Internet. Sur Internet. Pas en ligne comme une après l'autre. Là. Non. On passe pas 43 heures de fil. Okay. Heureusement. Juste être sûr, là, j'ai eu peur un peu. Mais sur une semaine, c'est quand même énorme. Là. Je veux dire, c'est plus de 40 heures sur semaine. Donc, autant de temps qu'on passe au travail, on le passe en ligne. Bien entendu, il peut y avoir un peu des deux là-dedans. Par comparaison, les Américains, eux, passent à peu près 35,5 heures par semaine sur Internet. Les Britanniques, 32. Les Sud-Coréens, 27,5. Alors, le Canada, donc, qui est champion du monde, qui demeure champion du monde de la navigation sur Internet. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir aussi la nette progression des internautes âgés, ce qu'on appelle la génération A, si on pousse un peu dans le vocabulaire. À savoir un peu trendy, là, on s'entend, ça a augmenté quand même assez important, en fait même de 2009 à 2010, ça a haussé de 12%, et ça continue d'augmenter. Ce qu'on dit d'ailleurs, et si je retourne à une étude du Sofrio qui a été publiée cet automne, eux disent que c'est désormais le groupe qui se branche le plus année après année, donc le groupe pour lequel il y a une plus forte croissance en termes de présence sur Internet. En 2010, les 55-64 ans comptaient 68% d'utilisateurs réguliers sur le web, comparativement à 2009 où ils avaient 60%. Et quand on tombe avec les 65 ans et plus, eux, ils étaient 40% à utiliser Internet en 2010, comparativement à 36% en 2009. Alors, vraiment des hausses substantielles. Ce qu'on dit, c'est qu'au Canada, on a enregistré à peu près 35 000 nouveaux internautes de 65 ans et plus en 3 mois, 45 000 entre 55 et 64 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors que les aînés envahissent de plus en plus le web, se l'approprient de plus en plus, et il y a une décroissance d'utilisation chez les jeunes. Il y a moins de nouveaux jeunes utilisateurs que de nouveaux utilisateurs aînés. Présentement. Alors, aussi, c'est quand même assez intéressant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est, quand on passe à la retraite, on n'habite pas nécessairement non plus près de nos enfants, donc l'Internet permet d'amenuiser les distances, permet de garder des liens avec la famille, avec les enfants. De manière générale, ce qu'on dit aussi, c'est que les internautes aînés utilisent Internet en moyenne 15,7 heures par semaine. Donc, c'est quand même un peu moins que la moyenne nationale, passablement moins même. Il y en a 34% qui l'utilisent plus de 20 heures. Donc, c'est quand même comparable aux jeunes générations. Et ce qu'on dit, et ça c'est peut-être une note un peu plus triste, là, c'est que moins on est satisfait de sa condition de vie, plus on va sur le web, du moins pour les aînés. Ma grand-mère est sur Facebook d'ailleurs et je tiens à la saluer. Bonjour grand-mère. Voilà. Peut-être t'écoute-t-elle sur le web. crl.qc.ca. Et Raymond, au Québec, qu'est-ce que ça dit, par exemple, l'utilisation? Au Québec, c'est assez comparable à la moyenne canadienne, de manière générale. Donc, on n'est pas... On n'est pas à côté. D'accord, on est dans la même moyenne. Superbe. Et sinon, côté entreprise, tiens, on se demande aussi toujours, en lien avec toutes ces discussions liées aux technologies de l'information, côté industriel, entrepreneurial, est-il en bonne santé, lui aussi? Et il y a une organisation qui s'appelle l'Association québécoise des technologies qui a fait un vaste sondage, en fait, son baromètre de l'industrie cet automne. L'idée étant de voir s'il y a beaucoup de revenus annuels qui sont générés dans le secteur, si c'est un secteur qui va bien. Et ce qu'on dit, c'est que si on coupait en fond l'ensemble des profits générés par les entreprises et qu'on les divisait par le nombre d'employés, eh bien, chaque employé qui travaille en technologie de l'information génère environ 125 000 $ de revenus annuellement. Donc, ce qui est quand même pas mal. Oui, ben oui. Et de manière générale, en fait, ce qu'on dit, c'est que donc il y a plusieurs entreprises qui offrent uniquement des solutions technologiques, il y en a d'autres qui offrent des services. Donc, on essaie de dresser un peu la tranche des éléments disponibles. Donc, assez varié à ce niveau-là aussi, services et principalement donc solutions technologiques. Et ce que j'ai trouvé peut-être plus intéressant dans ce baromètre, parce qu'après ça, on essaie de voir, bon, est-ce qu'ils vendent au Québec, est-ce qu'ils vendent en Europe, encore là, c'est quand même assez partagé. Il y en a, exemple, 27% qui vendent uniquement au Québec, 41% qui font surtout des ventes aux États-Unis, 29% en Europe. Donc, on voit que c'est un marché qui se positionne aussi bien à l'international. Mais ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est de savoir comment on perçoit l'évolution technologique dans les entreprises qui ont participé à ce sondage-là. Et ce qu'ils ont noté, c'est que il y a des obstacles nets en lien avec les technologies qui deviennent un frein à la croissance de ces entreprises-là. Comme? 50% qui disent que c'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. On manque de gens dans les technologies de l'information. Et il y en a 52% qui disent que c'est les conditions du marché qui ne sont pas nécessairement encore entièrement favorables. Et enfin, il y a 10% des entreprises entières, ça j'ai trouvé ça rigolo, qui considèrent que l'évolution trop rapide des technologies constitue un frein à la croissance parce qu'on est constamment en train de s'adapter, en train de se mettre à jour. Mais c'est vrai que ça aide pas. Non, effectivement. C'est le seul commentaire que je vais faire là-dessus en passant aux mises à jour qui vont m'attendre à mon bureau. Et parallèlement, si on reste avec les PME aussi, de manière générale, il y a un sondage qui s'appelle Net PME 2011 qui a été rendu public cet automne et eux indiquent que 82% des PME canadiennes utilisent des suites de logiciels en bureautique, que pratiquement 100% utilisent des suites de logiciels comme ça. Donc, de manière générale, ce qu'on dit, c'est que il y a une informatisation des PME qui est quand même assez forte, assez avancée. Mais par contre, qu'il y a des manques aussi au niveau de certains types de logiciels de gestion intégrés et le reste. Donc, il y a quand même, à certains degrés, là, des retards à aller combler en matière d'intégration et d'informatisation, mais que, de manière générale, les outils technologiques demeurent quand même présents dans à peu près l'ensemble des niveaux d'entreprise, là, évidemment. On en a parlé il y a quelques semaines, les emplois en technologie de l'information sont manquants, tu viens de nous le rappeler. Mais est-ce que c'est payant? Mais quand même pas si mal. Ça dépend, c'est certain, de quel poste on occupe, là. Mais ce qu'on dit, c'est que la moyenne salariale, là, d'une cinquantaine de types de postes, de toute la cabine, ça tourne pratiquement entre 50 et 60 000 $ par année. Donc, il y a des postes qui sont effectivement le mieux payés. Je veux dire, si on est chef du développement ou de la recherche, on peut gagner au-dessus de 100 000. Conseiller en système d'intégration, 92 000. Architecte informatique, 80 000. À l'inverse, les salaires médians les moins élevés, c'est surtout ceux liés aux services à la clientèle, 42 000. Infographie, 42 000 également. Entre autres, il y en a plusieurs comme ça qui ont été sortis par Technocompétences. Mais globalement, c'est des salaires qui sont quand même très corrects. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des variations de salaire médian selon l'emplacement géographique des organisations. Donc, si on occupe le même poste, exemple analyste programmeur intermédiaire, eh bien, la médiane, c'est 55 600. Mais par contre, si on travaille à Montréal pour ce job-là, on va avoir 60 500. À Québec, 53 700. Et en région, 51 600. Et parallèlement, il y a le secteur aussi d'action qui diffère, qui vient changer le salaire. Je parle maintenant, exemple, analyste programmeur principal. Dans le secteur des multimédias, le salaire moyen va être de 56 300. Mais si la même personne travaille en édition de logiciels, elle va gagner 73 400. Donc, il y a vraiment des variations selon plusieurs facteurs. Il y a des variations selon plusieurs facteurs, mais de manière générale, donc, c'est un domaine qui devrait peut-être attirer un peu plus que ce qu'il n'attire présentement. Il faut dire que la quantité d'emplois en 2010 a augmenté de 2,9%, 184 000 employés dans l'univers des TIC. Ça a continué à hausser les demandes des possibilités d'emploi cette année. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y aura 7 000 postes qui vont être disponibles annuellement dans les 10 prochaines années. Et ça fait beaucoup de monde et beaucoup d'emplois à ouais. pourvoir, beaucoup de monde à aller chercher. Mais le problème, c'est qu'il y a moins de diplômés, qu'on a plus de difficultés à intégrer les candidats provenant de l'étranger. L'augmentation des exigences, l'hyperspécialisation des emplois, c'est plusieurs des défis auxquels qu'on aura relevé, en fait, en termes de développement des technologies de l'information. Alors ça serait à surveiller aussi. On parlait dans nos bilans 2011 et dans nos tendances à surveiller 2012 de l'info nuagique, entre autres. Ça sera une croissance aussi assez importante. Les services de mobilité, les systèmes intelligents, les questions de sécurité. Donc ça, c'est des secteurs névralgiques dans l'éthique où, globalement, en technologie, on a besoin de gens, mais ces secteurs-là en auront besoin encore plus. Alors peut-être penser pendant le temps des fêtes à se lancer dans une carrière en technologie, aller voir les programmes offerts à l'université. Plein de petites possibilités. Ben oui, parce que souvent, on se donne des résolutions, on fait le point sur notre vie dans le temps des fêtes, si on a envie d'une réorientation de carrière où on croise des jeunes adolescents là, qui cherchent quoi faire plus tard. On pourrait leur suggérer. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Plein de chiffres comme ça, ça termine très bien l'année 2011. Et si dans le temps des fêtes, les gens sont en manque de technologie de l'information, on peut réentendre les chroniques qu'on a faites à l'automne. Oui, exactement, sur le www.itis.ulaval.ca. Ben Raymond, merci beaucoup. Je te souhaite un bon temps des fêtes. Et bon temps des fêtes à toi également. Merci beaucoup.